comprends pourquoi la réincarnation. Un poteau, une roue, une béquille. La réincarnation, premièrement, c'est une grande béquille. La réincarnation, c'est un palliatif à l'insécurité qui est inhérent chez l'être humain, chez l'ego qui a la conscience de sa vie. Il sait qu'il est là parce qu'il vit. S'il ne vit pas, il ne sait plus qu'il est là. S'il ne sait pas qu'il est là, il n'est pas là. Il est mort. Alors, il y a eu la résurrection qui était une béquille, une capacité qu'avait l'ego de croire qu'à un moment donné, il meurt et puis il pourrit. Puis un jour, bien, il y a un être, un seigneur, un dieu qui vient tout restaurer son corps physique. Et il le sort de son cercueil et puis il l'assoit à sa droite. Bon. Pour l'éternité. Défense de celui-là. Même pas voler aux toilettes. Il y a eu, à un moment donné, des manques à l'explication de la résurrection où on avait un Dieu de justice, une force purgatorielle, une force infernale et une force céleste, le ciel. Parce qu'il y avait des enfants purs et sans tâche qui naissaient handicapés. Alors on se disait, Dieu, il est peut-être juste, mais de temps en temps, il n'est pas là. Et pour arriver à expliquer ces injustices divines, bien on a dit, Dieu est juste, donc ça ne peut pas être Dieu, il doit avoir une autre raison. Alors on a accepté le théorème hindou arien. Et qui a été lentement répandu par le phénomène bouddhique au Japon et en Chine, de la réincarnation, c'est-à-dire que tu avais la possibilité de vivre plusieurs vies. Et à travers l'enclume et le feu de ces différentes vies, tu te parfaisais, et à un moment donné, tu arrivais à Dieu. Mais encore là, il y a des problèmes au niveau de ce phénomène-là, c'est qu'on devait, pour en parler, essayer de retrouver la réincarnation dans nos livres bibliques. Et ça a été fait. Il y a plusieurs personnes qui ont trouvé des preuves, ce qui semble être des preuves de la réincarnation lorsqu'on demande à Jean qui il est, on lui demande s'il est Élie, s'il est un prophète, s'il est quelqu'un du passé réincarné. On demande ça aux Nazaréens aussi. La réincarnation, sur quoi on doit s'appuyer pour y croire? Il n'y a rien. On peut s'appuyer sur la logique. Une chose qui est absolument évidente et évidente, c'est que lorsqu'un être humain mâle et un être humain femelle engendre un enfant, ce sont des cellules vivantes du corps physique du mâle qui sont transférées dans le corps de l'enfant, et ce sont des cellules physiques vivantes du corps de la mère qui est transférée dans le corps de l'enfant. Donc, en partant, même si la mère meurt, la vie de son corps est maintenant préservée pour quelques années, et si le père meurt, la vie de son corps est aussi préservée. Parce que les deux corps ont engendré un autre corps. 1 plus 1 égale 1. Et là, on peut donc nécessairement constater que de leur vivant, le corps physique du père et de la mère poursuivent leur vie à travers le temps, même si les parents meurent, dans le corps de l'enfant. Donc, en partant, les deux corps physiques sont réincarnés. Il y a eu une restructuration charnelle qu'on appelle incarnation, et c'est la même vie des deux corps. La vie qui vous anime présentement, elle n'a pas vieilli, semble-t-il, après des millions d'années. Parce qu'à un moment donné, il y a des hommes des cavernes et des femmes des cavernes qui, n'ayant pas de télévision, se sont occupés à engendrer des enfants. Et d'enfant en enfant, en enfant en enfant, finalement, on est apparu. Et cette vie est la même. Nous ne sommes pas apparus subitement de génération spontanée dans une guenille sale. Nous venons du passé, d'un très très loin passé. De toute façon, la vie se poursuit biologiquement d'un corps à l'autre. Il y a autre chose qu'on peut constater par la logique, c'est que les enfants ont souvent des caractères physiques qui ressemblent aux parents. Et on a décodé depuis ce temps le phénomène de l'acide désoxyribonucléique, ce qui engendre la génétique, les gènes. Et à un moment donné, eh bien, on peut aussi constater que si on regarde un individu de par son visage, on peut avoir une idée de sa constitution psychologique. De par ses lignes de la main, de par son écriture. Et on a aussi constaté que si on prend de la boisson, bien, quand on est chaud, on n'a plus la même psychologie qui s'exprime. On peut donc en déduire logiquement que le corps physique influence énormément notre psychologie. Et si le corps physique influence énormément notre psychologie, nécessairement le corps physique qui provient d'un père et d'une mère, et qui est génétiquement assujetti au père et à la mère dans sa forme génétique biologique, nécessairement la psychologie qui va l'habiter sera nécessairement reliée aux lignées familiales. On n'a pas le choix. Alors, on peut en déduire que, de toute façon, même psychologiquement, l'enfant supporte un mélange du père et de la mère, ou des grands-parents mélangés avec les grands-parents de la mère et du père, ou des arrière-grands-parents mélangés avec les parents. Le code génétique permet cela. Et selon le corps physique, on a une psychologie particulière. selon le corps, neuronique entre autres, et endocrinien. Alors finalement, sur quoi se baser? On peut que, premièrement constater que de toute manière, la vie qui nous habite présentement, elle a déjà habité un corps d'homme des cavernes. Elle a habité un corps d'homme des tavernes par la suite, et finalement, elle nous habite. À travers cette évolution, la vie est restée. Si la vie peut rester, l'animation, la conscience de l'homme aussi a resté depuis des milliers d'années. Nous parlons de la même chose. Nous avons les mêmes maudits problèmes. Regardez s'il n'y a pas de réincarnation. Comment se fait-il qu'on n'évolue pas psychologiquement? Remarquez qu'il n'y a que l'âme qui se réincarne. L'esprit ne meurt même pas. Alors, il y a 2000 ans, un bonhomme est passé. Il s'appelait Jéhoshua, fils de Joseph, Jésus. Par la suite, baptisé Jésus-Christ parce qu'il a été christifié par un contact supramental et historiquement appelé Jésus de Nazareth, même si la ville de Nazareth a été baptisée ainsi 300 ans après la mort du Nazaréen. Bon, on l'appelle le Nazaréen parce qu'il faisait partie de la secte des Nazaréens, proche de la secte des Nazarites, proche de la secte des Gentils, associé à la secte essénienne égyptienne et thérapeute direct. Alors, ce bonhomme est passé et il a dit un paquet de choses. Un paquet de choses que l'on répète depuis 2000 ans, près de 2000 ans, un peu moins que 2000 ans, sur presque la totalité de la planète. Et ces dires sont encore en corrélation avec ce que le Siddhartha Gautama a dit, connu, plus connu sous le nom du premier Bouddha. Et c'est relié à ce que d'autres avatars ont dit. Mais l'humain n'a pas changé. L'humain fait les mêmes conquêtes que les Romains. L'humain a les mêmes problèmes, les mêmes orgies, les mêmes phénomènes que dans l'Antiquité. Pourquoi? Parce que justement, c'est la mémoire de ceux qui étaient dans l'Antiquité qui se réincarnent régulièrement. Alors nécessairement, la mémoire, elle n'évolue pas, elle apprend. Apprenant, elle mémorise. Mémorisant, elle ramasse de l'énergie pour constituer sa structure mémorielle. Ramassant de l'énergie, elle épuise le corps vital du corps physique. Épuisant le corps vital du corps physique, elle engendre le vieillissement du corps physique. Engendrant le vieillissement du corps physique, elle tue le corps physique après l'avoir rendu malade. Tuant le corps physique, elle gagne le monde de la mort, là d'où elle provient. Le monde de la mort, c'est l'endroit où vont les morts. Ce n'est pas un monde qui n'existe pas, c'est le ciel. À travers le monde de la mort, il y a des phases purgatorielles de digestion. Et à un moment donné, lorsqu'un nouveau corps physique apparaît sur le plan planétaire, il attire à lui des constitutions mémorielles qui peuvent être exprimées dans ce corps. Jusqu'à l'adolescence, tout ce qui se réincarne est infantile. À l'adolescence, l'adulte se réincarne dans le corps de l'enfant parce que l'enfant commence à sécréter hormonalement comme l'adulte. Cela attire des mémoires d'adulte. La réincarnation est pluralitaire, des choses sur lesquelles je reviens énormément au niveau du séminaire, qui sont un petit peu trop longues à discuter comme ça. Ce qu'on peut se baser sur rien. Exactement comme si je vous dis, moi, que le soleil est une planète, que le soleil est une étoile. Ce qu'on peut se baser pour le croire, sur les livres d'astronomie. Mais ce n'est pas se baser sur grand-chose. On se base sur des humains qui sont basés sur rien. Sur le télescope, mais télescope. On regarde des étoiles dans le ciel qui n'existent même plus. Parce que ça prend des milliards d'années avant que leur lumière nous parvienne. Parce qu'on peut se baser pour rien. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque l'être humain est capable de supporter intellectuellement, logiquement, mentalement et astralement, donc psychologiquement, un concept comme la réincarnation, cela lui permet de supporter drôlement mieux sa vie. Et de toute façon, la logique, l'intelligence de l'homme, lui permet par le phénomène de la réincarnation, pas comme on l'a toujours enseigné là, parce qu'on a enseigné des choses vraies, mais on n'a pas tout dit, on a dit peut-être 1% de ce qui fallait, de ce qui attrait la réincarnation. Eh bien, lorsque l'être humain prend le phénomène de la réincarnation, il peut arriver à expliquer énormément de choses, exactement comme lorsqu'on a pris le théorème de l'atome, avec le phénomène de l'atome, avec le noyau et l'électron, et les orbitales et tout cela, les quantas, les quarks, le patati, le patata. Eh bien, finalement, on ne peut pas les voir, mais cette théorie était valable parce qu'elle permettait d'expliquer des choses. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'elle était vraie, mais à corriger. Et les choses, il fallait qu'on corrige. La réincarnation, elle explique tout le phénomène évolutif de l'homme, de la femme, des enfants, des humanités, des différentes races, des différents phénomènes planétaires. Alors, même si ce que l'être humain connaît de la réincarnation n'est pas nécessairement toujours juste, ça explique bien des choses. Ça explique un peu plus que de simplement dire « Mais quand on meurt, on va nulle part. » Ça veut dire qu'avant de naître, tu étais nulle part. Parce que si tu me parles d'un nulle part qui existe avant de naître, ben, il n'y a pas à me dire que tu ne peux pas en constituer un après. Lorsque l'être humain a pensé qu'il y avait du sang qui circulait dans le corps, eh bien, c'était une théorie. À un moment donné, ben, là, il y en a un qui s'est écrasé par une roche, puis on s'est rendu compte que la théorie était vraie. Bon. Mais il y avait d'autres choses que du sang qui circulait, il y avait etc., etc., etc. Alors finalement, on se base sur la logique surtout. Tu as déjà dit qu'à guérir quelqu'un ou à l'aider, on ralentit sa propre évolution. Exemple, les maîtres, les guérisseurs. Voilà. Comment être certain qu'on peut avoir un échange énergétique bénéfique aux deux individus? Ben, c'est pas tellement compliqué. Effectivement, lorsqu'on veut aider quelqu'un, c'est un problème. Tout à l'heure, je n'ai pas dit de vouloir aider quelqu'un. Vouloir aider quelqu'un, c'est un problème. Par contre, avoir des relations sexuelles, ce n'est pas un problème. Bon, c'est bénéfique. Des relations sexuelles positives. Si on veut aider le thérapeute, son gros problème, comme tout à l'heure j'expliquais, c'est qu'il veut aider. Voulant aider, il attire vers lui des problématiques, il attire vers lui les énergies maléfiques de l'autre, c'est-à-dire les énergies pathologiques. Et à la longue, à la très grande longue, pour certains magnétiseurs, thérapeutes, ils finissent par attraper les mêmes maladies. Vouloir aider, c'est une problématique. Par contre, aider, c'est autre chose. Et moi, ce que je demande à l'humain, c'est qu'il s'aide lui-même. Et pour s'aider lui-même, il doit faire en sorte que ce qu'il mange soit mieux. Pour que ce qu'il mange soit mieux, il doit s'arranger pour que les cultivateurs cultivent mieux. Pour que les cultivateurs cultivent mieux, il doit s'arranger pour que les cultivateurs soient plus heureux, peut-être. Alors, il donne des cadeaux aux cultivateurs, les cultivateurs sont plus heureux, les cultivateurs cultivent mieux, puis lui mange mieux. Il lui a donné des cadeaux aux cultivateurs pour pouvoir mieux manger. Et donc, manipuler les cultivateurs et cultiver mieux. Cultivant mieux, les cultivateurs mangent mieux. Mangeant mieux, ils sont plus en forme de travailler, chialent moins, donc cultivent encore mieux. Et finalement, nous, on mange mieux. On n'a pas voulu aider. On a aidé. On s'est aidé. C'est logique. Moi, j'ai fait un massage à quelqu'un, j'élimine du karma collectif entre nous deux. C'est logique. Je ne veux pas l'aider. Ça va l'aider, mais je n'ai pas le choix. C'est conditionnel à mon travail. Je m'aide. Alors, de quelle façon on peut être sûr que c'est bénéfique? Seulement si ça vous rapporte. Et là, on va dire, oui, mais l'altruisme là-dedans, l'altruisme sur la planète Terre, même dans ce continuum d'évolution, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amour libre. Une chose qui apparaît sans création, sans cause, dans notre continuum mémoriel, ça n'existe pas. Donc, l'altruisme, c'est la faculté qu'a inconsciemment l'humain de tout donner aux autres de façon à ce que tous les autres lui donnent tout ce que les autres ont. Mais si on comprend ça d'une façon intelligente, eh bien oui, on est altruiste. Pourquoi j'arrête, par exemple, pourquoi je reste sur un arrêt stop et il y a une personne qui veut traverser, ben j'arrête et puis je lui dis de traverser. Ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. Ça crée dans l'égrégore collectif de notre société une parcelle extrêmement minuscule, un grain de sable, même à la longue, ça finit par changer les choses. Ça crée dans l'astral collectif un petit grain de sable d'une société qui est intelligente, avec du cœur. Donc, je m'aide. Parce que dans 500 ans, lorsque je vais revenir, ben, il y a des chances que la société soit plus plaisante à vivre. Ce n'est pas pour la personne. Elle va en bénéficier. Mais ça, c'est tant pis. Ou tant mieux. C'est comme ça. Mais c'est pour moi que je le fais. Alors, je me dis pas, tiens, m'arrêter parce que dans 200 ans, je veux que... Non. Non. Sauf que c'est simplement logique. Plus nous faisons les choses intelligemment et écologiques, plus les choses nous rapportent. Pas immédiatement, ça n'a aucune importance. On ne doit pas travailler en fonction de ce que nous rapporte immédiatement, ça ne marche pas. Vous mettez de l'argent à la bourse, là, puis 2 heures après, vous la ressortez. Là. Ben, c'est ça. Vous avez payé le courtier, n'est perdu. Quand je sais que je change et que je le vois, quelle partie de moi voit cela? Ça dépend de la personne. Bien souvent, la partie mentale l'observe et nécessairement la partie astrale expérimente l'observation mentale et les deux le savent. Mais c'est pas grave. On se réincarne après 3 ou 4 générations. Qui se réincarne? Bon, je vais répondre comme ça, mais c'est trop long pour qu'on passe le reste de la soirée là-dessus. C'est un sujet de séminaire. Qui se réincarne? Eh bien, ouais. Bon, si je ne réponds pas assez, il y en a qui ne dormiront pas. Alors, la personne, elle dit, ma conscience est issue de mon esprit ou diverses personnalités réincarnatives. C'est diverses personnalités réincarnatives qui vont se fusionner pendant la gestation fœtale et surtout l'adolescence. La conscience, issue de mon esprit, non. L'esprit est toujours là et il vient animer le système de la conscience de façon à manipuler votre âme pour que vous soyez heureux et malheureux toute votre vie, de façon à sécréter suffisamment d'hormones. Et l'hormone, elle est l'expression émotive de l'âme dans le corps physique. Et sécrétant suffisamment d'hormones, vous allez obliger votre corps physique à souffrir. L'obligeant à souffrir, vous allez l'obliger à se rendre plus résistant, à s'endurcir. Et cette résistance qui apparaît à la longue par l'expérience de la vie engendre des cellularisations, des mutations du code génétique. Et lorsqu'on a des enfants, c'est transmissible. Étant donné que l'être humain a des enfants trop jeunes, bien souvent l'évolution de cette planète est assez lente parce qu'on a des enfants trop jeunes, on n'a pas suffisamment cellularisé. Alors l'esprit vient animer par la suite le corps. Mais ce n'est pas mon esprit, parce que quand on dit mon esprit, c'est comme si on était quelque chose d'autre que l'esprit. Et si on est quelque chose d'autre que l'esprit, l'esprit ne nous appartient pas, c'est plus puissant. Alors, c'est plutôt mon âme et pas mon esprit. Hein? Avoir un ajusteur de pensée soudé à moi veut-il dire que je suis né que ma conscience est née à ce niveau énergétique. S'il est soudé, oui, la personne est un être humain. Elle peut avoir des rechutes et des problèmes, mais on peut parler avec. Elle est un être humain. Et un ajusteur soudé ne se dissoude pas. Il peut ne pas servir. Il est facilement réveillable. Une nuit, cette semaine, quelqu'un m'a demandé pourquoi je viens à vos conférences. Puis quelque chose m'a été offert et dans ma vie, depuis ça, les événements se dirigent de façon que je ne puisse plus venir. Question 1. Dans un cas comme ça, êtes-vous prévenu aussi que la personne a été questionnée? Non, lorsque je dors, je ne m'occupe pas trop des autres. Comment faire pour maîtriser de façon à continuer à venir écouter quand même? Alors, quand on dit si une personne est venue me voir, c'est sans doute une entité qui est venue. Mais ça, je suis un problème, évidemment, pour le monde astral, pour le monde de la mort. Alors, c'est sûr que ça vient manipuler les êtres humains. Qu'est-ce qu'on fait pour venir? Eh bien, je pourrais poser la question à n'importe qui, sauf à moi, pour la simple raison que ça me regarde. Qu'est-ce qu'on fait pour continuer à venir? Eh bien, si on est intéressé, on continue à venir. C'est tout à fait simple. Chose qui est certaine, c'est que les manipulations dans le monde de la mort sont extrêmement puissantes. Et quand on veut aller à un endroit, si la personne veut continuer à venir aux conférences qu'elle vienne, il y a autre chose qui peut arriver par contre, c'est peut-être que la personne n'a plus besoin de venir à mes conférences. Peut-être que la personne a besoin maintenant d'aller fouiller ailleurs. Peut-être que la personne a besoin aussi de prendre un repos, si c'est possible. L'intelligence peut passer par différentes voies pour obliger l'individu à cesser d'aller dans un endroit. Je ne suis pas la seule place sur la planète Terre. J'ai ici le centre, je travaille au centre parce que ça me plaît, mais ce n'est pas le seul endroit où on peut évoluer, ça va de soi. C'est un endroit où on évolue d'une certaine façon. Mais à un moment donné, il y a des individus qui doivent aller ailleurs parce qu'ils ont d'autres chemins à suivre, ou simplement parce qu'ils doivent prendre un repos, ou simplement parce qu'ils vont comprendre différentes choses qu'ils ne voient pas ici, etc. Sinon, la personne, elle n'a qu'à s'arranger pour venir ici, puis elle va continuer à venir ici. Sinon, elle ne se casse pas la tête. Et il y a toujours moyen d'acheter des cassettes. On va y revenir. Comment arriver à diminuer mon besoin sexuel hormonal, car cela me dérange pour rien et cela m'empêche d'être efficace? Bon, on ne peut pas répondre en 5 minutes, c'est extrêmement con. Alors, je garde la question et puis la prochaine conférence sur la sexualité de l'évolution, on va en parler. Ce sont des thèmes, n'est-ce pas? Nous allons revenir dans quelques semaines sur la sexualité de l'évolution, où on ne parlera pas du même sujet que ce soir. Alors, effectivement, je vous dis de me poser quelques questions comme ça. Eh bien, je vais ramasser les questions et puis on va pouvoir répondre plus clairement. C'est sûr que ça fait un peu con parce que ça peut vous donner l'impression qu'on vous oblige à revenir, payer 10 $ pour revenir à une conférence, pour avoir la réponse à votre question. Ce n'est pas ce que je veux faire. Par contre, il y a un travail qui doit être fait. Le 10 $ sert à payer le personnel ici, les loyers, tout ça. Donc, on n'a pas le choix pour l'instant. Mais tant qu'à répondre continuellement en 30 secondes ou en 2 minutes à une question qui pourrait être élaborée sur une demi-heure de temps, ça complique les choses. Il y a des gens qui font mon séminaire. Dans le séminaire, on passe tout le temps qu'il faut répondre à leurs questions. Mais il y en a d'autres qui n'ont soit pas le moyen financier, soit pas encore le goût énergétique de le faire. Alors, effectivement, ça devient quelquefois frustrant. C'est sûr que pour arriver à diminuer le besoin hormonal de la personne, il y a des techniques qui sont un peu plus longues. Des techniques, ce n'est pas une technique que tu fais 2 fois par jour chez vous, mais c'est des formes de purification corporelle, parce qu'il y a énormément d'hormones qui sont encore placées au niveau du système musculaire et du système des gras de l'individu, des graisses. Et de temps en temps, lorsque l'individu vit certaines choses, ces hormones sont libérées dans le sang. Étant libérées dans le sang, même si l'astral ne stimule pas la sécrétion endocrinienne de ces hormones, bien, l'individu est fait. Le corps réagit comme s'il avait un besoin sexuel. Nécessairement, l'ego, par les voies thalamiennes, thalamiques, vont lire le corps. Lisant le corps, il en déduit que le corps a besoin sexuellement de quelque chose. Étant donné que l'ego ne peut se connaître qu'en lisant dans le corps, immédiatement l'ego pense que c'est lui qui a ce besoin-là. Et là, il enclenche le processus réflexe qui fait que la personne est en compagnie avec ça. Alors, il y a des moyens, mais un peu plus long, on va y revenir. Quelle est la différence énergétique entre ton énergie que tu prends où ça se trouve, celle d'un conférencier à Montréal qui fait un travail semblable à toi, et celle d'un animateur de télévision bien connu? Les trois viennent-ils d'astrales différents? Si oui, quels sont-ils? Bon, il est bien évident qu'en ce qui concerne mon énergie, en ce qui concerne tous les schémas planétaires, mon énergie vient de ce monde. En ce qui concerne le phénomène supramental, mon énergie est reliée beaucoup plus à notre Soleil. En ce qui concerne la personne qui fait des conférences similaires à moi, son énergie est beaucoup plus reliée à un autre Soleil que notre Soleil. Et en ce qui concerne l'animateur de télévision, son énergie est reliée aux forces astrales de notre planète. Ce n'est pas 3 astrales différents, C'est deux plans supramentaux et un plan astral. Quel rapport les intraterrestres auraient avec l'astral et les terrestres et quel est leur but? Alors, intraterrestre, c'est un phénomène qui est relativement nouveau, qui date d'à peine 120, 130 années, et qui fait référence à des habitants qui vivent au centre de notre Terre, centre qui, selon la tradition, serait creux. Il y a des choses qu'il faut constater. Notre planète Terre a déjà été une boule de feu, et elle s'est refroidie par l'extérieur, et étant donné que de temps en temps, il y a des éruptions volcaniques, on peut constater que c'est extrêmement chaud. Il y a donc dans une région de la planète une température particulière qui permet même à la roche d'être en fusion. Et la théorie intraterrestre parle d'un soleil au centre de notre Terre, une Terre creuse. Par contre, il y a autre chose. Lorsqu'il y a un tremblement de Terre ou lorsqu'ils ont fait une explosion thermonucléaire, une explosion à hydrogène par exemple, suffisamment puissante, eh bien, l'onde sismique qui traverse le sol traverse à une certaine vitesse. Et à un moment donné, rendu à une certaine profondeur de la croûte terrestre, la vitesse s'accélère. Et elle parvient de l'autre côté de la planète, et là, elle est ralentie pour être perçue sismiquement par des sismographes. Si l'onde de choc s'accélère, c'est que le sol qu'elle traverse est encore plus dur. Alors, comment maintenant confiner ces deux observations du volcan, chaleur et sol en larve, en liquide, et centre de la Terre extrêmement solide, pour permettre une transmission plus rapide de l'énergie sismique? Il y a une chose qu'on doit comprendre. Tout ce qui est intraterrestre provient des vieilles mémoires de notre planète. Et tout ce qui est intraterrestre, du centre de notre Terre, aller jusqu'à quelques pieds à la surface de notre planète, cela fait partie de ce qu'antiquement, dans le monde de la mort, nous appelons l'enfer. À partir de la surface de notre planète à monter jusqu'à l'extrême limite de notre atmosphère, c'est ce que traditionnellement nous appelons le ciel. Et au-delà, les cieux. Le purgatoire, c'est la phase de digestion inferno céleste lorsqu'une âme gagne le monde de la mort. Quel rapport les intraterrestres auraient-ils avec l'astral? Eh bien, les intraterrestres font partie des mécanismes qui gèrent les plans extrêmement bas du monde de la mort. Une grande partie des intraterrestres font partie des vieilles cellules agartiennes ou shambhalaïennes reliées à Shambhala et à l'Agartop, dont l'une est luciférienne, l'autre arimanienne. Et les terrestres, et quel est leur but? Ils n'ont plus de but. Ils n'ont plus de consistance pour avoir de but. Ils n'ont plus de conscience pour avoir de but. Ils sont en train d'être digérés. Il ne reste que les forces de l'Agartor en surface sur cette planète du point de vue des forces d'involution. Même si pendant un laps de temps, elles étaient yaviques, donc des forces évoluantes, leur structure évolutive aujourd'hui est hautement dépassée par les contextes nord-planétaires. Alors, il reste encore les forces agartiennes qui sont venues faire un tour au Québec il y a de cela pas tellement longtemps, dans le but de vérifier si effectivement le Québec était pour être la bête noire de l'avenir, c'est-à-dire ce qui détruirait les âmes, ce qui détruirait le monde de la mort, ce qui finalement ferait de l'être humain un être avec de l'esprit. Et c'est venu faire un tour ici. Ça l'a réchauffé certaines personnes. Étant donné que l'Agartha était surtout placé, les forces agartiennes étaient surtout placées au niveau de l'Europe, lorsque les forces agartiennes sont venues faire un tour ici, ils ont obligé un déplacement d'humains, d'Européens, avec elles, qui sont venus ici faire des conférences sur l'Agartha. Et nécessairement, les forces sont retournées et les humains ont suivi aussi. Ce sont des choses qui se passent, l'immigration. Les forces agartiennes vont vomir à un moment donné, ils vont essayer dans un dernier soubresaut de survivre, ils seront anéantis par d'autres forces, des forces d'intelligence plus puissantes que les forces du monde de la mort de l'Antiquité. Daniel, est-ce intelligent et ou utile de sublimer certaines ou toutes les sexualités? Si oui, quelles sont-elles? C'est utile de s'en servir, pour l'instant. Dans quelques milliers d'années, on en reparlera. Est-ce que Shambhala et l'Agartha sont des endroits où on peut aller avec les corps physiques? Non, on peut y aller avec un corps astral, et plus souvent qu'autrement, lorsqu'on approche là avec un corps astral, on est répulsé. Ou bien on pénètre dans des régions bâties par les forces agartiennes dans le monde de la mort, des régions qui sont extrêmement jolies, extrêmement beaux. Et là, on peut voir un centre de la Terre apparemment creux avec des êtres violets souvent qui vivent dedans. Sauf que toutes ces régions n'existent pas. Elles sont dans le monde de la mort créées, au même titre que la bibliothèque astrale du Vatican a été créée, ou au même titre que différentes parties dans le monde de la mort au niveau des pyramides, celles de Khufu, entre autres, qui ont été créées. C'est-à-dire que ce sont des copies conformes d'une réalité ou des copies simplement des créations tout à fait astrales sans relation avec la réalité. Et lorsqu'un voyageur de l'astral se promène là-dedans, eh bien, il rentre là-dedans, il voit quelque chose qui n'existe pas, mais il a l'impression que c'est la réalité. Et on l'expulse à un moment donné, alors qu'il a sa mémoire expérientielle, ce qu'il a vécu. Et puis là, il remonte à la surface pour écrire des livres. Bon. Vous pouvez tout prendre un verre d'eau, si vous voulez. Merci. essayer de ne pas perdre. Bon. Pourquoi les prévenus se suicident-ils en si grand nombre dans les postes de police depuis peu? Ouais. Bonne question, n'est-ce pas? Ils ne sont peut-être pas assez prévenus. Bon. Alors, on va débrancher le canal, on le branche ailleurs. Pas la réponse, hein? Pourquoi les prévenus se suicident-ils en si grand nombre dans les postes de police depuis peu? Il y a, chez l'être humain, des réincarnations pluralitaires qui se font 24 heures sur 24 depuis la naissance, de la naissance à la mort. Alors, donné qu'il y a des réincarnations 24 heures sur 24 de la naissance à la mort, il y a nécessairement de plus en plus, et c'est surtout le Québec qui va vivre cet état de choses, le destructeur d'ailleurs du monde de la mort, l'un des précurseurs du moins, il y a de plus en plus de gestion de phénomènes réincarnationnels qui ont besoin d'être purifiés à travers des expériences conditionnelles des corps, de corps physiques. Alors, il y a énormément de mémoires de personnalités qui se sont suicidées dans l'Antiquité, qui se réincarnent au Québec, de façon à être cohabiter et à se fusionner avec des mémoires d'individus qui sont capables de vivre. Par contre, il y a une chose, c'est que lorsque ces mémoires se réincarnent chez un individu, il y a de plus en plus d'individus qui font des burn-out, hein, qui sont brûlés. Il y a des individus qui font des dépressions, et ça, c'est tributaire des contextes évolutifs nord-planétaires, entre autres. On ne voit pas ça dans les pays sous-développés. Et à un moment donné, on doit absorber un karma collectif pour éviter cela. Alors, il y a beaucoup d'individus qui absorbent ce karma collectif et qui seront malades ou qui se suicideront. Et ça, okay, le Québec va être l'un des précurseurs, il en souffrira énormément. Nécessairement, lorsqu'un individu digère des personnalités réincarnatives de personnes à tendance suicidaire, et ça, tout le monde peut en digérer, mais ce n'est pas tellement grave. Par contre, lorsque l'expérience de la vie pousse l'individu à être dans une situation qui peut énergiser la personnalité réincarnative suicidaire, cette personnalité dans un contexte, disons, un peu aberré, comme une cellule de prison, cette personnalité va donc commencer à se nourrir. Se nourrissant, elle va grossir. Grossissant, elle attire vers elle d'autres personnalités réincarnatives de mémoire suicidaire, ce qui va engendrer en quelques heures suffisamment d'égo suicidaire dans l'individu pour que cela omnibule totalement sa conscience de survie et il peut se suicider. Alors, ce que l'on devrait faire normalement pour qu'un prévenu ne se suicide pas, hein, premièrement, c'est évident que la majorité de ceux qui se suicident sont des individus qui ont été manipulés à faire des actes. Étant manipulés à faire des actes, ils sont conscients du problème. Étant conscients du problème et étant assujettis à penser qu'ils ont un libre arbitre, donc ayant la possibilité de se sentir coupable et de savoir que ce n'est pas eux autres, ce n'est pas de leur faute, mais que c'est eux qui l'ont fait, mais qu'ils ne voulaient pas, etc. En plus, recevant des phénomènes réincarnationnels pluralitaires, suicidaires, dans un contexte comme cela, ils peuvent se suicider. Donc, on devrait commencer par les instruire. Et nécessairement, le contexte des forces policières ne s'y prête pas pour l'instant. La psychiatrie ne comprend pas encore suffisamment les choses. La criminologie veut comprendre le criminel, donc elle ne peut pas comprendre des individus qui ne sont pas génétiquement criminels et qui sont aléatoirement choisis par les forces astrales pour être criminels. Donc, la criminologie ne peut pas les comprendre. Et il y a encore un paquet de problématiques. Ça fait partie de la structure de la mutation, de l'adolescence, de cette civilisation que vous appelez le Québec. Alors, c'est pourquoi il y a de plus en plus de suicides. On parle à un moment donné du suicide chez les jeunes. Le jeune, c'est surtout au niveau de l'enfant nouveau. On en parle un peu lors de la conférence sur l'enfant nouveau. Ça se rapproche un peu. Mais étant donné que l'adulte, lui, réincarne de plus en plus des schémas planétaires ici, de façon à ce que le monde de la mort de notre province de Québec, en l'occurrence, et le Québec ésotérique, donc le bouclier canadien, soit le plus rapidement possible diminué, de façon à ce que les individus qui vont gagner le monde de la mort au niveau des sphères du Québec puissent se réincarner beaucoup plus rapidement qu'à travers 150 ans. Et tout à l'heure, j'ai expliqué au début de la conférence que ce schéma réincarnatif avait tendance à s'accélérer, que l'humain se réincarnait de plus en plus vite. Eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Alors, l'humain aura donc, de plus en plus, l'humain supportera le poids karmique de la vie, de ce qu'il a déjà fait dans le passé, ou de la vie de ses ancêtres. Hitler et les autres conquérants ont-ils les mêmes motivations que Provigo qui veut s'emparer de Stamberg? Non, pas tout à fait. Non, Adolf Hitler, lui, c'était une guerre religieuse. Provigo, ce serait assez étonnant que ce soit une conquête religieuse, c'est plutôt une conquête d'affaires. Les autres conquérants, il faut s'entendre, il y en a eu plusieurs, et la majorité des conquérants du passé voulaient simplement conquérir leurs égaux, c'est-à-dire qu'ils avaient un besoin, manipulé par l'intelligence, coloré par l'astral, d'étendre leur schéma évolutif sur d'autres telluries. C'est-à-dire qu'Adolf Hitler, qui est un ancien, enfin, bon, disons pas trop de choses, mais, enfin, peux le dire pareil, mais il faudra que je fasse attention la prochaine fois, qui est la réincarnation d'un pape. Lui, c'était une guerre sainte, une guerre religieuse, et il voulait faire en sorte que l'homme nouveau naisse plus rapidement sur la planète. Il appelait cela la race aryenne, ça ne servait à rien. Et puis, il a fait ça quelques années avant que ça vienne. C'est-à-dire que cette belle terre aurait pu être patient un peu, mais c'est intelligent ce qu'il devait faire, ce que l'humain devait faire. Il ne se réincarnera pas, quoi, mais bon. Bon. Non, un couple qui n'a pas d'enfant. La réincarnation, là. L'être humain, premièrement, il faut bien comprendre qu'il se réincarne dans sa lignée, dans sa lignée familiale dans la majorité des cas. Cela veut simplement dire que si un homme et une femme n'ont pas d'enfants, qu'il y a toujours du monde relié à leur lignée familiale qui en auront des enfants. C'est sûr que c'est préférable de bâtir soi-même sa maison. Soit, c'est sûr. Mais quand on ne peut pas, ou quand on ne veut pas, ou pour quelque raison que ce soit, de toute façon, il y aura suffisamment de corps physiques qui auront des attraits. Et il y a autre chose que la génétique permet, c'est qu'à travers une famille de personnes particulières, de temps en temps, les mélanges génétiques font qu'il y a un être humain plus solide qui vient au monde. Et il peut recevoir une personne qui a besoin d'un corps pour se réincarner, un corps que ses lignées familiales ne lui donnent pas parce qu'elles ont été stoppées, ce qui n'est pas encore arrivé sur la planète Terre, ou parce que c'est un peu trop long. Alors la personne se réincarne quand même, ce n'est pas une problématique. Sauf qu'en se réincarnant à travers le biais des enfants de nos enfants, ou des enfants de nos enfants, ou même de nos enfants, ce qui peut se faire aussi, eh bien, on bâtit tout soi-même sa maison, ce qui peut être on est plus sûr du solage. Comment se fait-il que l'on fait toujours le meilleur choix? Pouvez-vous nous expliquer la mécanicité? Comment se fait-il qu'on fait toujours le meilleur choix? C'est extrêmement simple. C'est qu'on ne peut pas faire autre chose que faire le choix que l'on fait. Donc, nécessairement, autant dire que c'est le meilleur. C'est plus simple, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Le pissenlit a fait le meilleur choix, il a décidé de pousser là. Mais il n'y avait pas le choix, parce que celui qui est tombé là, il n'a pas poussé pantoute. Mais lui, il a fait un très bon choix de ne pas pousser, il n'aurait pas pu pousser. Alors, finalement, étant donné que l'être humain n'a pas de libre arbitre, il ne fait pas le meilleur choix. Par contre, il ne sait, comme je dis souvent, il ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait bien, parce qu'il est contingencé par des forces intelligentes, colorées par les forces célestes astrales, pour différents motifs qu'on a déjà élaborés, sur lesquels on va revenir aussi. Alors, l'être humain fait toujours le meilleur choix pour la simple raison que c'est le seul choix disponible devant lui. C'est donc nécessairement le meilleur choix. Même si du point de vue de l'ego, il ne voit pas que c'est le meilleur choix. Plan vital, astral, mental, sont-ils une copie densifiée des plans supramentaux, bouddhiques et divins? Oui. Qu'y a-t-il au-delà du plan divin? Il n'y a rien. C'est là, mais il n'y a rien. Explique davantage plan bouddhique et divin. Le plan supramental nous permet de savoir et de comprendre les choses. Le plan bouddhique va nous permettre d'accepter ce que nous allons comprendre et de moins souffrir ce que nous allons comprendre. Et le plan divin va nous permettre d'intentionnaliser les choses qu'on aura compris et acceptées et on pourra changer les choses si on veut changer les choses ou on pourra engendrer les mondes que l'on voudra engendrer ou on pourra simplement s'exclure de la création pour échapper au contexte créationnel, spatio-temporalisé, 13 dimensions présentement écrasées dans 4, la hauteur, la largeur, la longueur et le déroulement de la matière sur elle-même, le temps. Et à un moment donné, lorsque l'humain parvient au plan divin, le plan intentionnel, ça n'a rien à voir avec Dieu, mais c'est intentionnel, il peut échapper aux contraintes de l'espace-temps et parvenir là où il n'y a rien. Et quand je dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'espace-temps. N'ayant pas d'espace-temps, rien n'y existe. On peut dire que c'est préexistentiel, c'est supra-existentiel. C'est comme vous voudrez. Alors, à un moment donné, on va finir par arriver à en parler de ce qu'il y a au-delà de la création, mais pour l'instant, disons que la question n'est pas posée suffisamment bien pour m'obliger à pousser trop loin. Lorsqu'on rencontre des gens pour la première fois, les uns nous sont sympathiques, les autres antipathiques. Oui, pour la simple raison que lorsqu'on rencontre des gens pour la première fois, eh bien, tout notre schéma astral, notre enveloppe périsprétique qui engendre l'aura vitale et le schéma astral qui engendre l'aura astrale, lorsque nous rencontrons des gens, il y a des relations entre les deux périsprits. Et les relations qu'il y a entre les deux âmes, donc entre les deux périsprits du point de vue des contextes auriques de l'aura, eh bien, ces relations-là sont des relations par couleur, par vibration. L'onde de forme que nous percevons inconsciemment de l'aura d'un autre, quand on dit quelqu'un, par exemple, et vert de jalousie, c'est parce que l'aura vient vert justement quand on est jaloux, mais on ne sait pas pourquoi on donne ses couleurs. Une colère noire, bon, c'est la même chose, l'aura peut devenir noire. Alors, on ne le sait pas, mais dans le langage l'exprime inconsciemment, mais on perçoit les choses. Lorsqu'on rencontre un individu, son onde de forme aurique ainsi que physique, mais surtout aurique, peut avoir une incidence sur notre propre aura, et notre ego ne vibre pas convenablement, ne peut pas se nourrir convenablement de l'autre, alors l'autre, lui, est simplement antipathique. Si l'ego peut s'en nourrir, c'est donc si l'ego vibre avec, et nécessairement l'autre devient sympathique, même si on ne les connaît pas. Pour les jumeaux, lorsqu'ils arrivent quelque chose à l'un, l'autre peut le ressentir, même à grande distance. Ça, c'est de la télépathie physique. La première forme de télépathie qui existe sur cette planète est une télépathie physique. Donc, pour arriver à être en contact télépathique avec à peu près n'importe qui, on n'a qu'à penser à lui, se donner un coup de marteau sur l'orteil ou sur le doigt, et puis on reste en contact télépathique avec. Télépathie physique, avec mobilisation totale des contingences de l'ego dans une partie du corps physique. Et là, le reste, l'énergie vitale peut établir un canal pour entrer en communication avec l'autre. Dans les rares cas, par exemple, où il y aura des communications télépathiques qui seront plutôt d'ordre vital que physique, c'est lorsqu'une personne veut téléphoner à quelqu'un et elle ne sait pas, elle attend, elle y pense, puis finalement, quand elle décroche le téléphone, elle se met à signaler, mais l'autre est déjà au bout de la ligne, puis l'autre l'entend signaler. Alors, où ça sonne même pas, puis alors il y a des télépathies comme ça que l'on connaît. Les deux jumeaux, eux, étant donné qu'ils ont biologiquement, on parle de vrais jumeaux, les vrais jumeaux sont la même réincarnation. Les vrais jumeaux ont deux corps physiques identiques. Et ayant deux corps physiques identiques, ils vont obliger du monde de la mort la scission des mémoires réincarnationnelles. C'est-à-dire que ce qui devrait se réincarner dans un corps va se réincarner dans les deux corps. Nécessairement, étant donné que les deux âmes seront plus ou moins constituées d'une façon semblable, dans le monde de la mort, ils auront plus ou moins le même canal. Étant donné qu'ils auront le même canal dans le monde de la mort, ils auront plus de potentiel télépathique, d'affinité, à pouvoir, par le monde de la mort, communiquer l'expérience de l'un dans l'âme de l'autre. Au fur et à mesure de l'évolution expérientielle des deux jumeaux, les deux corps physiques des deux enfants ou des deux enfants jumeaux vont vivre des conditions différentes. Vivant de l'expérience différente, ils vont transformer lentement, colorer leur ego, ce qui va lentement obliger une mutation légère au niveau biologique et au niveau de l'âme. Et à travers l'évolution d'année en année de nos deux jumeaux, ils vont lentement finir par, dans la majorité des cas, perdre cette faculté d'avoir un contact télépathique parce que l'expérience différente des deux jumeaux va engendrer une mutation différentes des deux âmes, et lentement, les deux âmes vont être capables d'arriver à une identification propre. La pire affaire à faire avec des jumeaux, évidemment, c'est de les habiller pareils, d'en appeler un Paul, puis l'autre Pile, ou Pierre, ou Jacques, Jaco, ou enfin des noms très similaires, et des paniers pareils, puis etc., etc., etc. Bon. Alors, les jumeaux sont télépathes parce qu'ils sont la réincarnation des mêmes phénomènes. On dit que chaque être humain ressent le besoin de croire en Dieu. Vous savez, on dit bien des choses. Regardez-moi. Peux-tu me dire pourquoi le Christ a-t-il choisi spécifiquement 12 apôtres? Bon, il y avait plus de 12 apôtres, il y avait 63 apôtres secondaires, mais quand même 12 principales. Voilà pourquoi. Alors, je me lève, n'est-ce pas? Je vais marcher un peu. Bon. Alors, il y a cet univers créationnel, créactivé. Et dans cet univers, il y a de l'énergie. Cette énergie, elle est extrêmement puissante, elle est générée par une explosion massive dans le temps et l'espace. Cela veut dire que presque un millionième de seconde après le début de la création, les températures étaient telles qu'aucun soleil ne pourrait exister. Et lentement, par l'expansion créationnelle, les températures ont baissé. Après d'une demi-seconde après le début de la création, on avait une température permettant, j'arrondis un peu les chiffres, permettant la création des particules subatomiques, qui existe encore un peu aujourd'hui, mais qu'on ne peut pas créer. Une seconde après le début de la création, on avait des particules suffisamment orchestrées pour pouvoir engendrer des particules qui vont pouvoir former les soleils, former les rayonnements cosmiques, former ces choses-là. Et quelques minutes après, eh bien là, on avait un univers qui était déjà en expansion et qui se rapprochait un peu de ce que nous connaissons. Mais l'énergie qui est apparue au début, pour pouvoir être conservée dans un phénomène universel, devait se diviser. Alors, l'exemple que l'on peut donner, c'est que lorsque vous avez trop de soleil sur vous, si vous fractionnez la lumière du soleil, elle ne vous brûlera pas. Si on vous lance, si on vous tire avec un laser, eh bien, si on fractionne le faisceau laser, on divise sa puissance et il n'y aura pas de problème. Un peu comme le courant électrique. Si vous avez un volt et demi partout sur la surface du corps, c'est pas pire. Mais si vous avez 110 volts à la même place, c'est un autre problème. Vous pourrez faire l'expérience si vous voulez. Vous cherchez une vingtaine de batteries, là. Vous couchez dessus, il ne se passe rien. Après ça, vous prenez du courant électrique et vous mettez dans votre bouche, vous allez voir. L'énergie, lorsqu'elle pénètre, elle se divise. Elle se divise en deux faisceaux, trois faisceaux. Se diviser en certains faisceaux, d'une conférence que j'ai faite au début de l'année 88 en janvier, qui est le processus de l'effusion, pourra peut-être s'y référer si vous voulez. Or, cette énergie se divise automatiquement, et se divisant, elle contraint les dimensions, les 13 dimensions qui réactionnalisées, et elle engendre des dimensions subséquentes, des fusions dimensionnelles, elle engendre ce qu'on va appeler des super-univers. Dans le super-univers, l'énergie, à un moment donné, elle est trop dense et elle se redivise encore, ce qui crée ce qu'on appelle des univers. Et on peut... un soleil est bâti de particules subatomiques. Ici, on prend le soleil qui, normalement, est bâti peut-être de fer, dépendant des soleils. Il est bâti d'hélium, il est bâti d'hydrogène. Mais l'hydrogène, c'est un noyau avec de l'électron, avec un électron. L'électron, c'est divisible. Le noyau est divisible en plusieurs particules subatomiques, justement, c'est ceux-là. Et on redivise ça en énergie. Bon, finalement, l'énergie peut faire des soleils. Bon. Alors, ça bâtit des univers. Dans l'univers, c'est divisé. À un moment donné, dans l'univers, ce faisceau se redivise encore, ces faisceaux, et engendre des galaxies. Dans une galaxie, l'énergie créationnelle, la première, est toujours divisée, dans notre galaxie du moins, je parle pour notre univers, dans toutes les galaxies de notre univers, ces faisceaux sont divisés en 14 faisceaux. Donc, les trois faisceaux primaires qui rentrent dedans se divisent par la suite, ce qui engendre 14 faisceaux. Ces 14 faisceaux, lorsqu'ils pénètrent un système solaire ou un système planétaire, se divisent en milliards de faisceaux. Se diviser en milliards de faisceaux, cela va engendrer des humanités différentes qui vont être habitées par des particules de l'esprit différents. Et certains pourront dire, toi, tu es ma soeur en esprit, tandis que lui ne l'est pas. C'est normal, toi, tu es relié au même faisceau 12 ou 14 que moi, tandis que l'autre ne l'est pas. Mais au-delà du contexte galactique, on est tous frères et sœurs en esprit, nécessairement du point de vue créationnel. Pourquoi 12 faisceaux? Le Lazarien, lui, est un faisceau. C'est le 14e. Il est totalement résorbé, il n'existe plus à l'échelle de la planète. Je parle du Nazaréen, je ne parle pas de Jésus, je ne parle pas du Christ, je parle du Nazaréen, de Jésus-Christ. Les deux fusionnent ensemble, manipulés par un contexte différent. Alors, qu'on appelle Michael souvent. Le Nazaréen descend donc sur le plan planétaire et il récupère dans le monde de la mort des entités reliées à son faisceau. Il vient au monde, il se bat avec le corps physique et l'ego de Jésus jusqu'à un âge avancé, 27-28 ans. Par la suite, eh bien, il va voir 12 apôtres. Alors, il va voir un tel et il dit, toi, tu vas me suivre. Mais celui-là, il est préparé à le suivre. Parce que, tu sais, un gars se promène pas sur la rue, il dit, t'as un bateau, tu pêches des poissons, là, juste bien temps. Je ne le connais même pas, mais il suit. Il s'est ramassé avec des andouilles. Bon. Ses apôtres n'étaient pas des andouilles. Il a ramassé des personnes qui étaient attachées à des faisceaux différents. Vu qu'on avait 14 faisceaux, dont un, le faisceau nazaréen, il restait donc 13 faisceaux. 13 faisceaux répartis sur des millions d'individus, des milliards d'individus. Alors, il a pris un représentant de chacun des faisceaux, de façon à ce que l'évolution énergétique qu'il voulait accomplir sur la planète Terre puisse être communicable, sexuellement, par ses apôtres à travers tous les faisceaux. Nécessairement, lorsque Luc parlait, tout le monde ne comprenait pas. Mais ceux assujettis au même faisceau que Luc, les frères et sœurs en esprit comprenaient Luc. Marc comprenait Marc, Paul comprenait Paul. Il ne parlait pas le même langage non plus, il parlait des gens différents aussi. Alors, il en prend 12, et puis ces 12-là, il les instruit, il les mute à son contact. Et cela permet donc à tous les humains d'avoir accès à ce qu'il a lui. Le 13e faisceau, c'est le faisceau, il y a eu le faisceau que le 14e, le Nazaréen, le faisceau le plus puissant à l'époque. 13e faisceau, le 2e plus puissant à l'époque, et les 12 autres des faisceaux trop répartis sur la planète Terre. Et le 13e faisceau était le faisceau Lazaréen, Lazare. Lazare a accepté de vivre une initiation hautement dangereuse, celle de gagner le monde de la mort en restant vivant. Lazare a presque échoué. Le Nazaréen est revenu sur le bord de son tombeau et puis il a servi de lumière pour que Lazare retrouve la planète Terre du monde de la mort et réintègre son corps physique. Lorsque Lazare est revenu dans son corps physique, le Baptiste s'est réincarné avec lui pour des raisons écologiques. Lazare est ressorti de son tombeau, donc il ne puait plus. C'était pas lavé, mais quand même il puait un peu, mais pas autant que les femmes le disaient. Alors, il est sorti, il est allé voir le Nazaréen. Ils se sont tenus un peu à distance, mais c'était question d'odeur encore. Bon. Et puis, ils se sont séparés par la suite. Et Lazare, il va par la suite travailler à l'échelle de notre planète. Il est connu sous le nom du comte de Saint-Germain, entre autres. Et c'est le 13e faisceau. Alors, pourquoi 12 faisceaux? Ben, simplement parce que c'était intéressant pour le Nazaréen d'avoir un contact avec tout ce qui était créationnellement créé dans cette création, donc exprimé à travers les différents faisceaux de notre univers. Voilà. Et nous... Me donner quelques détails sur cette race blanche d'Europe qui nous a engendrés. Oui, il y a à toutes les... On peut se référer à la conférence québécoise, une race à part. Je donne des références comme ça de temps en temps parce que, vu que c'est la période de questions, on n'a pas trop le temps, si ça vous intéresse. Alors, nous sommes les descendants génétiques. Quand on parle de race blanche, premièrement, il faut faire attention, on parle de race neuronique et endocrinienne. On ne parle pas de race cutanée. La race blanche, elle a existé en Afrique. Elle a eu une couleur relativement brunante et noire, et aussi blanche, la race égyptienne. La race blanche, c'est celle qui est apparue dirigée par un conducteur, un avatar. Et c'était une migration énergétique qui provenait de la Terre blanche, le bouclier canadien, d'où le Québec, sur lequel le Québec est placé. Et lorsque cet avatar du nom de Ram, qui veut dire bélier, et connu sous le nom de Rama au niveau de l'Inde, est arrivé là-bas, il a désassujetti l'humanité de l'époque du règne matriarcal de la femme, parce qu'à l'époque, la femme était la dominatrice de la planète, c'était le règne des sorcières, et il y avait différents problèmes, comme l'homme en a engendré aussi. Présentement, ça devient plus ou moins intelligent. La femme et l'homme vont pouvoir finir par travailler côte à côte. Il y a eu une époque où la femme dominait, il y a eu une époque où l'homme a dominé. Ram a été capable de guérir les humains d'une forme de maladie avec le gui. Ça l'a engendré toute la tradition druidique, celte, etc. Et nécessairement bouddhique, et tout ce que nous allons connaître en ce qui concerne la chicane, à savoir, c'est Krishna ou Rama qui est le dieu. Bon. Rama va diriger la race indo-européenne, la première sous-race de la race mère blanche, la race aryenne. Par la suite, il y aura d'autres races qui vont apparaître, dont Zarathustra sera l'un des conducteurs, et il engendrera la race allemande. Et c'est pourquoi Adolf Hitler avait l'impression, même s'il était d'ailleurs lui juif, enfin sa mère était juive, il avait l'impression que la race allemande était aryenne. Elle n'était pas aryenne. Et par la suite, il y a eu un autre grand directeur qui a pris certaines parties de cette race blanche et il les a fait grimper vers le nord. Et ce bonhomme s'appelait Odin. Odin a été un des grands avatars. Il a monté vers le nord avec une grande partie du peuple de la race blanche et il a engendré les races nordiques, qui sont la majorité des races européennes, nécessairement les races norvégiennes, suédoises, russes, etc., et bien entendu les races américaines, canadiennes, etc. Bon, Odin a monté vers le nord avec ses personnages, il y a de cela évidemment quelques milliers d'années, sans doute, et il a instauré des conditions de vie qui ont obligé l'être humain à ne pas s'endormir sous le soleil. Et c'est pourquoi l'être humain qui est monté vers le nord a gelé. Mais gelant, il a été obligé de travailler un peu plus pour se réchauffer, ce qui engendrait un système humanitaire évolutif qui fait en sorte que la partie nord planétaire est la plus évoluée sur la planète. Il est évident que si on regarde les États-Unis d'Amérique, il y a la Floride, c'est très chaud. Il y a le Texas, c'est très chaud. Toute la technologie du sud provient quand même du nord, là où il fait froid. Washington, c'est au nord. Et New York, c'est au nord. Et Chicago, c'est au nord, et etc. Los Angeles, c'est plus ou moins au sud. De temps en temps, il neige. San Francisco aussi. C'est un mélange entre les deux. Et on n'a pas tellement de technologie. On a de la technologie importée du nord qui vient travailler là pour les conditions climatologiques. On a mis des climatiseurs pour nous empêcher de dormir. Et c'est dans ces régions-là qu'on a le plus de spiritualité. Comment la partie de mes mémoires ou le tout peut-elle le reconnaître lors d'une réincarnation, surtout si elle est amalgamée ou fusionnée avec d'autres? Doit-elle repartir à zéro ou repart-elle de son état de conscience? Le problème de la réincarnation traditionnelle telle qu'enseignée, c'est qu'on n'arrive pas à expliquer pourquoi l'être humain ne se rappelle pas ses anciennes incarnations. Alors on dit c'est parce qu'il est allé dans le monde de la mort, il a lu un grand livre où il a vu regarder sa vie sur vidéo, aujourd'hui on s'est amélioré un peu techniquement, et puis là il voit tout ce qu'il a fait de mal, tout ce qu'il a fait de bien, et puis après ça là, il choisit son prochain corps, il choisit sa prochaine vie, il choisit ses leçons, il choisit ses problèmes. Franchement, il fallait qu'on soit imbécile pour choisir une vie comme on a choisi, hein? Bon. Et une fois qu'il a tout choisi au complet, qu'il a tout codé, qu'est-ce qu'il devait apprendre? Il le sait ce qu'il doit apprendre, parce que s'il fait les examens, c'est qu'il le sait, hein? Alors maintenant, il oublie tout ce qu'il doit apprendre pour aller réapprendre. Tel un cave qui revient ici. Bon. Alors, c'était le gros problème de la réincarnation traditionnelle. Mais il y a une chose, simplement, c'est que lorsque l'être humain se réincarne, il est pluralitaire. Il y a une conférence prochainement que je vais faire sur ce phénomène-là. Lorsque l'être humain se réincarne, il ne repart pas à zéro. Mais ce n'est plus lui tel qu'il était avant de mourir. Tant qu'il n'a pas créé un égrégore type particulier où on peut conserver son âme, il reviendra en ne sachant pas ni parler, ni rien, puis en ne se rappelant pas qui il était. Mais il sera mieux. Pourquoi? Parce que comme le corps physique des parents se mélange pour engendrer une génétique plus forte, l'astral dans le monde de la mort mélange des mémoires qui sont énergétiquement fusionnables, ce qui engendre des entités astrales amiques plus fortes, et les réincarnations sont donc plus fortes. Ils peuvent donc habiter des corps plus forts. À un moment donné, lorsque l'être humain arrive à s'en égoïser, il engendre un double éthérique. On voit ça souvent au niveau du séminaire, et on pourra revenir aussi au niveau de la prochaine conférence que je vais donner sur le phénomène de la réincarnation. Et lorsque l'être humain engendre un double éthérique, il crée dans le plan moronciel la partie entre le monde de la mort et le monde de la vie, une constitution similaire à lui, suffisamment énergisée pour l'attirer à sa mort, à la mort du corps physique, pardon. Et lorsqu'il gagne le monde moronciel, il ne va pas vers le monde de la mort, même s'il y a des entités lumineuses qui viennent le chercher, et il se dirige vers son double éthérique. Il se réincarnera unitairement, sans se fusionner à d'autres entités, et là, il se rappellera qui il a été, et là, il continuera son chemin. Et ça, c'est pour bientôt. Comment amener la personne avec qui on vit à penser et faire ce que vous dites? On ne l'amène pas à penser et à faire ce que je dis. Elle a sa vie à vivre. Si on est avec une personne n'ayant pas du tout les mêmes vibrations, n'ayant pas encore pris conscience d'évolution, expliquez-moi. La première question, c'est qu'est-ce que vous faites avec? Bon, ça c'est la première question. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la même chose. On doit la manipuler. On doit s'arranger pour la transformer d'une façon positive. Et si la personne n'accepte pas de se transformer, c'est qu'elle n'a pas un plan de vie présentement pour se transformer avec vous. C'est simple. Alors, lorsque la personne me dit, à un moment donné, une femme me posait une question, c'est que je suis écœurée de faire l'amour avec mon mari, mais il veut faire l'amour deux fois par semaine ou trois. Quel dois-je faire? Moi, j'ai dit, bien, présente-lui donc une femme. Et puis là, la personne, elle a dit, bien, c'est ça. Bon, alors, quand on n'est pas prêt à régler son problème, on le supporte. Alors, quand une personne vit avec un individu avec qui il ne peut pas vivre, c'est quoi la solution? Tout le monde la connaît, la solution. Oui, mais là, on aimerait tout changer l'autre au complet. Et va donc le chercher, celui qui est déjà tout changé. C'est plus simple. Mais étant donné que l'être humain est encore assujetti à une grande culpabilité émotive et à plusieurs autres phénomènes sociaux qui lui disent qu'il manque sa vie. Vraiment, je lisais, il y avait Claude Charron qui était à la radio et qui disait que il y avait un pourcentage de plus de 20 % des personnes qui avaient eu un échec en mariage. C'est quoi un échec en mariage? Un divorce, une séparation? Ça peut être un échec. Voilà, ça c'est le problème de notre société. C'est un échec. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent un échec dans leur vie pour ne pas vivre un échec social en mariage. Ils restent ensemble 40 ans, même s'ils ne devraient pas rester ensemble. Alors, comment on fait? Eh bien, on commence par acheter des petits cadeaux à l'autre, on commence par faire à l'autre des petites choses, hein? Mais si on reste avec, c'est parce qu'on le tête, on a besoin de lui, faisons un échange d'énergie, travaillons. Sinon, bien, vivez ce que vous vivez vous-même et puis laissez faire l'autre. Et sinon, bien, faites ce que vous auriez à faire, mais je ne vous dirai pas ni de rester ni de partir. Chose certaine, c'est que l'être humain, bien souvent, préfère continuer à vivre dans un problème connu que de risquer une solution inconnue. Pourquoi l'homme est-il contre l'avortement et la femme pour? Ben ça, c'est pour bébé compliqué, hein? Parce que la femme est encore assujettie à un égrégore qui a été engendré par de l'intelligence, mais qui est manipulé par l'astral féminin, de temps en temps, il peut être coloré. L'astral masculin s'en est mêlé, ce qui l'a coloré encore plus. C'est celui de la libération de la femme. Alors, il y a des femmes qui veulent encore égrégorement nourrir ce genre de choses. Et puis, la femme, elle a décidé qu'elle serait libre comme l'homme. Elle ne veut plus porter d'enfant. Donc, nécessairement, l'avortement est conditionnel. Ça fait partie aussi de la problématique de l'extinction de certaines races lorsque l'humain ne comprend plus le rôle qu'il a joué à partir du corps physique. La femme, elle habite ce corps-là, on dit une femme. Mais en réalité, du point de vue énergétique, ce n'est pas une femme, c'est une condition évolutive. Ça habite un corps de femme et il y a tout ce qu'il faut pour avoir des enfants. L'homme, bien, la condition évolutive, la même qui habite la femme, bien, ce coup-là, elle habite le corps d'un homme. On n'est pas nié à toujours courir après les femmes, bon, OK, c'est un problème. L'homme a aussi son problème. Et l'homme, bien, l'homme, lui, il ne porte pas l'enfant. Ne portant pas l'enfant, il n'a pas dans sa mémoire astrale ou dans les connexions collectives la problématique de ce que c'est que de porter un enfant. Nécessairement, avant que l'homme décide de donner du chômage aux mères qui avaient des enfants, ça a été tellement long que la femme a eu le temps de s'écœurer suffisamment. La femme était disponible à avoir des enfants, mais payez-moi le temps que je le porte, payez-moi, donnez-moi de l'assurance chômage quand il faut que je lâche mon emploi pour avoir un enfant. Mais ça, c'est maintenant, on vous donne 15$ quand vous avez un enfant, ou quelque chose de même. Le gouvernement a décidé de vous aider, bon, les femmes. Pas pire. Mais c'est encore des décisions d'hommes, hein? Bon. Ça va de soi. Alors, la femme, elle est simplement écœurée, c'est passager temporaire, c'est manipulé par de l'intelligence pour empêcher les femmes d'avoir trop d'enfants. De façon à ce que les femmes vieillissent un peu plus, cellularisent un peu plus leurs conditions de vie, et lorsqu'ils se décideront d'avoir des enfants, ici quelques années au Québec, on aura une recrudescence. Il faudra rebâtir encore des écoles sur roulettes, vous allez voir. Et lorsqu'on aura cette recrudescence, les femmes auront vieilli, les hommes aussi, ils auront cellularisé leur amélioration, et les enfants qui vont naître, ils vont être nouveaux, mais drôlement plus, dramatiquement plus puissants que les enfants nouveaux qui naissent aujourd'hui. Et eux vont changer le monde. Le monde du Québec. Pour commencer. L'image maternelle de la femme aux yeux de l'homme est-elle affaiblie parce que les femmes recourent à l'avortement? Non, présentement, là-bas, c'est encore la majorité des hommes qui ont le pouvoir politique entre les mains et ils se rendent bien compte que la dénatalité est un grand problème. La femme, individuellement, fait comme tous les humains. Elle se dit, oui, mais tu sais, moi, si j'ai un enfant, c'est pas ça qui va repopulariser le Québec, hein? Il n'y aura pas plus d'enfants au Québec à cause que m'en mette un ou deux au monde. C'est toujours le problème du collectivisme. On le fait tout ou on le fait pas. C'est comme la pollution, jetez pas votre Kleenex dehors. Si vous êtes le seul sur la planète, il y aura au moins un humain qui méritera d'être dessus. Mais comme à un moment donné, il y en aura d'autres, à un moment donné, la femme aussi. Ça viendra. Mais l'homme, non, l'homme se sent pour quoi que ce soit, mais l'homme voit plus le problème de la dénatalité. Surtout que l'homme, tout ce qu'il a à faire, c'est de dire aux femmes, « Mais sacrableu, ayez donc des enfants! » Après ça, ils s'en vont avoir une vue. Alors, pour l'instant, il n'y a pas tout réglé encore. Pourquoi la mère préfère-t-elle l'avortement au don en adoption? C'est simple. Quand tu avortes, tu interdis ta réincarnation et une partie de ton corps ne sort pas. Bien, ça sort, mais ça meurt, mais c'est tout. Quand tu donnes ton bras à quelqu'un. Pendant que tu portes l'enfant, toutes les émotions que la mère vit sont hormonalement transmises au fœtus par le sang. Donc, le fœtus recrée la copie presque conforme de la mère pendant la gestation. L'enfant vient au monde et puis là, c'est exactement la mère, elle voit que le corps le contient elle-même. Elle est plus vieille, elle va mourir. Ça, c'est de la jeunesse dedans, puis c'est elle pareil. C'est sa garantie de vie. Elle va donner ça à quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus facile pour la mère d'avorter avant d'avoir émotivement connu l'enfant que de connaître l'enfant pour après ça le donner. Même si, du point de vue planétaire, c'est plus logique de le donner. Tu te réincarnes pareil, mais émotivement, la mère, elle souffre un peu, mais le phénomène n'est pas cassé. Mais la mère ne le sait pas, l'ego de la mère ne veut pas le vivre ça, dans la majorité des cas. Alors, on les importe de Chine, de Taïwan, du Salvador. Les amis, les Japonais vont s'y mettre prochainement, vous allez voir. Ils font la concurrence dans tout. Les enfants propres, pas besoin de sus, se lavent tout seul, font ménage de leur chambre. Oh, les enfants, vous allez voir. Toyota va nous amener ça ici. Les amis sont moins nécessaires parce que la télévision nous divertit. C'est-à-dire que l'âme a besoin de sécurité et la télévision la nourrit. Donc, les amis, c'est moins nourrissant, c'est moins nécessaire, effectivement. Le mari est moins nécessaire parce que la femme est autosuffisante. Ça va de soi avec, c'est évident. Elle est capable de se masturber astralement. Tandis que le gars, ben, s'il est pogné dans une culpabilité et qu'il ne peut pas se masturber physiquement, ben là, il faut qu'il est pris. Les employés sont moins nécessaires parce que les machines les remplacent. C'est pas encore vrai, mais ça devrait être vrai. Mais là, on s'en va... C'est évident que là, c'est ce qui est ici, c'est très intéressant. Dans le monde actuel de l'homme ancien, on va vers une catastrophe. Mais n'empêche que si on serait les mêmes choses dans un monde intelligent, on va vers l'apothéose. Les enfants sont moins nécessaires parce que ce n'est pas eux qui prennent soin de leurs vieux parents. Lâchons pas. Si aimer, c'est avoir besoin, amour psychologique, pas intelligent. Est-ce qu'on s'en va vers la disparition de cet amour? J'espère bien. Parce que si on continue à avoir de l'amour psychologique, comme on en a tellement aujourd'hui sur la planète, toutes les publicités disent qu'il manque d'amour alors qu'il y en a tellement trop, on s'étouffe avec, eh bien, j'espère bien que cet amour va s'en aller en diminuant. Maintenant, l'enfant nouveau qui vient au monde, c'est évident que plus il y aura d'enfants nouveaux qui vont naître, plus cet amour-là va disparaître. On aura des enfants apparemment sans cœur parce qu'ils ne seront pas assujettis à la culpabilité de l'amour conditionnel de l'homme, mais ils vivront un amour intelligent. Alors, nécessairement, ce qui va arriver, si je reprends la question ici, les amis seront utiles parce qu'on comprendra l'intelligence du travail collectif pour diviser le temps de travail et l'effort. Le mari sera utile pour partager le loyer, prendre le chaudron en haut, et puis pour faire des enfants. Quand il y aura utilité d'avoir des enfants, autre chose que de jouer dans la tête, comme des poupées. Les employés seront absolument inutiles parce que des machines et les robots devront travailler pour nous autres, c'est évident. On ne payera pas les robots, on aura tout... On ira chercher ce qu'on a besoin pour vivre, ce sera plus logique. Les enfants seront non nécessaires parce qu'ils ne s'occuperont pas des vieux. Les vieux ne vieilliront plus comme on les dit aujourd'hui. L'âge d'or, un d'or est déjà oublié, puis en plus, ça dort. C'est ce qui arrive avec nos sociétés. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont 60 ans et plus qui font partie de l'âge d'or, mais il y en a beaucoup. Et les enfants, dans l'Antiquité, on les mettait au monde, effectivement, pour s'occuper de nous autres. L'enfant nouveau veut s'occuper de lui, et j'espère que c'est qu'il va continuer, c'est bien évident. Et à un moment donné, on aura un amour intelligent, logique, et on sera capable d'avoir un taux de natalité qui sera équivalent aux besoins de réincarnation de sa planète, plutôt qu'aux besoins de jouissance émotive de l'humain. Alors, la semaine prochaine, je ne serai pas là, mais il y aura mon image, si ça vous intéresse. La conférence, ce que je me rappelle, est intéressante. Dans deux semaines, je reviens. Vous pouvez vous enquérir du titre du thème de la conférence et préparer des questions sur le sujet. On va s'attaquer à ces questions-là. En attendant, profitez du soleil à l'ombre, faites attention aux mouches noires, puis bonne semaine.